beau se buter, discuter, ergoter, comploter, jaboter. Bien chapeauté, botté, bien corseté, bien pomponné, bien ganté. Une femme séduira toujours les messieurs. Bien habillé, poudré, bien maquillé, bien coiffé, bien parfumé. Une femme est un charme pour les yeux. Je sais que les hommes vous diront, c'est leur éternelle chanson, que lorsqu'on est belle fille, rien vous habille, qu'une robe à 16,80 vous donne un cachet divin, que votre teint naturel est mieux sans fard ni rimel. Si vous suivez ce programme, un jour il s'enflamme pour une poupée à 4 sous qui leur coûte un argent fou, mais qui les excitera simplement parce qu'elle sera. Mieux chapeauter, botter, mieux corseter, mieux pomponner, mieux ganter. Une femme séduira toujours les messieurs. Bien habillée, poudrée, bien maquillée, bien coiffée, bien parfumée. Une femme est un charme pour les yeux. Je sais que les hommes vous diront, car il ne manque pas d'aplomb, qu'une rivière en brillant sépare trop voyant. Ils ne trouvent pas ces messieurs que les rubis habillent mieux. N'écoutez pas toutes ces blagues, portez des colliers, des bagues. Et puis, mesdames, croyez-moi, allez donc tout droit demain chez votre couturier, votre modiste et votre bottier. Votre mari se fâchera un brin, puis il chantera mon refrain. Bien chapeauté, botté, bien corseté, bien pomponné, bien ganté. Oui ma femme, je te trouve ravissante ce soir. Bien habillée, poudrée, bien maquillée, bien coiffée, bien parfumée. Ma petite femme, ma petite femme. Mon Aspasie, malgré que tu aies succombé aux tentations de ce Périclès, malgré que ton corps charmant soit la proie de ce vieillard, et qu'avant l'ère chrétienne, les saints n'ont jamais existé, les saints, je te demande pardon, les saints, je veux dire que tu as les païens les plus délicieux du monde.